l'alouette du soleil se couche. Il arrive à la falaise à tout. Et voir bien que c'est en état. Pour les temps du toucher du soleil. C'est la fin. Toutes les agitations de démons auxquelles nous assistons maintenant montrent que nous sommes à la fin. Mais les élus doivent garder la ligne, la position de victoire. Car bientôt, tout est fini. Et les vainqueurs seront couronnés par Dieu. Nos sacrifices. Les injustices subies, les souffrances parcourues en durée, multiples des épreuves, des combats divers, ça n'aura pas été vain. Il y a une couronne qui brillera plus fort que le Seigneur donnera. Redonne chacun courage pour se défendre que les principes de la parole contre les faussetés, contre tout fanatisme, contre toute idolâtrie, contre tout mensonge monté et fabriqué par les hommes, car seule la parole du Seigneur demeure éternellement. Tous les vents passeront. Et la parole de vérité restera. Accrochons-nous à la vérité. Malgré les oppositions. Et la popularité du mal. Accrochons-nous uniquement à la vérité. Nous aurons raison ce jour-là. Louange à Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, nous sommes appelés à combattre. Et je savais que le jour mauvais viendrait. L'heure fatidique est là. Pour le discrédit et jeter sur le message. Nous voyons les incirconcis commencer à se moquer de ce message. Et parce que justement, certains d'entre nous sont compromis au plus bas niveau. Nous ne perdons pas courage. Nous, Père de miséricorde, nous réclamons ton secours. Pour résister plus fort encore. Et faire une percée dans des moments difficiles. Que ta lumière brille encore plus fort. Dans nos cœurs, sur notre chemin. Dans ton église véritable. Dans toute humilité. Reçois chacun. Lave nos vies. Lave nos comportements. Que tout serve à ta gloire. Parle au nom de Jésus-Christ, et pour son gloire. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Ephésiens chapitre 5. Verset 20. À 27. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ah, on peut. Et quand on a cabiné une femme, tata pour tango nyonso, il paye pour un nyonso, na combo, na kolo, na biso, Yesu Kristo. Botosa na kampona, kubanga Kristo. Binobasi, botosa kababaya na bano pelamoko, et paye na Kristo poete, mobali azali moto, na moasi. Pelamoko Kristo azali moto, na lingomba. Yewana silinde, mobikisi, nanzoto. Kasi mpelamoko lingomba, bakotosa kakliso, bongo tikete basi batosa babali na bango na makambo nyonso. Bino babali, bolinga kabasi na bino mpelamoko Kristo alinga ki lingomba pe, amipesa kiye moko mpona bango. Ete, abulisa bango, awe esiliye kopeto laka bango na kumangisa maka na mai esika moko na liloba. Na boye, lingomba bamona na liboso na ye, na nkembo, na kozanga libebi, mpe liuta, eloko nini mabete kasi ete baza la boule mpe na mwa li bebi ata mokote. Ephésiens chapitre 1 Ephésiens mokapuya yambo verset 9 et 10 Moulongo yalibo pea. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ayebisa kibiso li bombami na mokano na ye mpela moko na mongo na ye oyo amonisi ye kati na Kristo. Lokole bongisa ki ye mpona kukukisaka elaka ete ayangisaka biloko nyonso kati na Kristo lokola moto yango na likolo mpe yango na nse. Le dernier verset en Lingala, il y a une pensée qui sort et qui est utile à être comprise. Très bien. Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, 2 noms de blasphème. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chacun la bienvenue à la table du Seigneur. Bienvenue et du bonheur dans la maison de Dieu. Que l'Esprit de vérité traite avec chacun de vous. À titre individuel. Personnel. Car le salut est personnel. Le salut que Dieu donne est individuel. Alors nous prions que le Saint-Esprit traite avec chacun de vous individuellement. Personnellement. Et merveilleusement. Il est le Dieu de miracles. Louange à son nom, il exauce, il exauce. Notre pensée de méditation ce matin, ça, Dieu n'a jamais eu deux têtes pour son église. Dieu n'a jamais eu deux têtes pour son église. Jamais Dieu n'a jamais eu deux têtes pour son église. Il traite qu'avec une seule tête. C'est cela. Bongo. Le dessein de Dieu. Ici dans Éphésiens chapitre 1er, parce que la parole est la base de la vérité, c'est le fondement et les sous-bassements de ce que nous défendons, de ce que nous croyons, de ce que nous pratiquons. Nous avons lu qu'il est écrit ceci, Éphésiens chapitre 1 verset 9 et 10, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein, le plan. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le programme, le dessein, le moyen de Dieu est si clairement rédigé et Dieu nous l'a fait connaître dès la Bible. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore ce plan. Mais les saints écritures disent que Dieu nous l'a fait connaître. Le mystère prédestiné est la volonté de ce que le cœur de Dieu voulait. Ce que le cœur de Dieu a planifié. C'était mystérieux. Ça demeurera inconnu pour certains, pour plusieurs. Pour des humains, des hommes et des femmes sur la terre. Mais la Bible dit que Dieu nous l'a fait connaître. Il cache ces choses à lui aux sages et aux intelligents. Et Dieu l'a révèle ces choses-là à ses enfants. Matthieu 11, verset 25 l'a dit, vous le savez. En ce temps-là, Jésus prit la parole et s'écria. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. mais de ce que tu les as révélés aux enfants. Les mêmes choses que Dieu a cachées à certains. Et ce sont des sages et des intelligents selon la Bible. Des sages et des intelligents selon le monde. Des sages et des intelligents selon la science. Selon les universités, les télévisions. Mais Dieu leur a caché les choses de Dieu. C'est la Bible qui les dit clairement. C'est la même chose que Dieu a caché aux sages et aux intelligents. Il est un sort mystérieux. Énigmatique. Non déchiffrant. C'est la même chose. Dieu le révèle à ses enfants. Alors Paul se met dans le groupe, non pas des sages et des intelligents. Il ne s'ennuyait pas sur son diplôme universitaire. Il n'a jamais tenté nulle part. Comme quoi il a été formé comme ceci et cela. Mais Paul s'est placé sous l'autorité de Christ. L'analphabète. Il n'avait pas étudié. Mais c'était Dieu dans la chair humaine. C'était lui la haute sagesse qui dirigeait le monde. Jésus-Christ est son nom. Paul avait pensé le commandement. Mais Jésus lui a dévoilé qu'il n'était rien. Il a signifié un sol de tâche. Il lui a signifié qu'il n'était rien. Il est tombé par terre du haut du cheval où il était monté. Nous prenons un coup de boutaki. Ah, il est crié au secours. Jésus est le tout grand. Mais il révèle ces choses à certains. Il les cache à d'autres. Il est souverain pour le faire. La volonté est telle comme cela. Jésus a dit, je te l'offre. Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père. Je te l'ouvre. De ce que tu as révélé. Le verset 26. Il a voulu péter. Sa volonté, il en soit ici. Donc ce n'était pas par accident, par coïncident, par concours de circonstances, mais c'est une volonté planifiée de cacher ces choses aux sages et aux intelligents et de révéler ces choses à ses enfants. Dieu l'a voulu ainsi. Paul se met dans le groupe de ses enfants. Le bien-aimé du Père Saint, en qui Dieu ne cache pas ces choses, mais en qui Dieu fait connaître ces choses. Et il ne sait même pas que lui seul, lui Paul se met du sable avec tous les élus, hommes et femmes, membres de l'Église du Dieu vivant. Et il écrit ceci, que nous avons lu dans Ephésiens 1 verset 9, il nous a fait connaître. Non pas il m'a fait connaître. Mais il nous a fait connaître. Là, il y a moi, Paul. Et il y a aussi d'autres que lui Dieu commis. Il y a d'autres que lui Dieu a planifié. Et il a prédestiné. Et qu'il a appelé. À qui il sait se connaître. Avec qui lui Dieu est très. Et si tu dis à la main. Personnellement. À moi, Paul, et à ceux-là, connus de Dieu, il nous a fait connaître le mystère prédestiné de sa volonté. Dieu nous l'a fait connaître. Quel était ce mystère? Selon le bienveillant dessein, le bienveillant plan, il l'avait formé en lui-même. Non pas en collaboration avec Michael. Non pas en collaboration avec Lucifer. Non pas en collaboration avec Absalom. Non pas en collaboration avec Gabriel. Mais auprès de chérubins et d'archanges. Mais Dieu a formé ce bienveillant plan. En lui-même. C'est son secret profond. Mais que Dieu vous ouvre son cœur et vous fasse connaître les choses de son cœur. Vous êtes privilégié. Un Dieu, le Dieu créateur. Un Dieu insaisissable. Dont l'intelligence est insondable. Dont la puissance est inépuisable. Un Dieu infiniment grand. Un Dieu suprême et souverain. Mais quel est l'être inabaissable que nul ne peut humilier. À moins qu'il fallait se faire lui-même. Vaincre par Jacob. Jacob ne pouvait pas vaincre Dieu par lui-même. C'est Dieu qui lui a donné une passe en or. Pour c'est encore lui qui a voulu de laisser faire. Il a voulu se laisser faire. Et pour passer à nous les perdus, il passe à nous. Nous, des Jacob, nés menteurs. Petit pour le père des escrocs. Par la naissance naturelle. Le Christ à la croix. Est venu mourir à notre bien. Il a porté nos péchés. Et nos iniquités dans son corps de chair. Et il nous a passé, il passe à nous. Nous donner l'occasion d'être appelés justes. Par la foi en son nom. D'être reconnus sur le cœur. Par la foi dans ce problème. Dieu nous a favorisés. Si la Bible en Jésus-Christ. C'est ce Dieu qui vous ouvre son cœur. Le même Dieu d'Abraham. Qui un jour a dit à Abraham. Il dit lui-même devant Abraham. En Genèse 18, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Mais je l'ai choisi pour devenir héritier. Mais je ne veux rien faire. Le Dieu qui n'avait rien caché à Abraham. Il lui a ouvert son cœur. Voilà pourquoi le diable est si haineux de ça. Qu'il ramasse des esprits amateurs. Des esprits amateurs. C'est des racailles, des ramassis des gens. Ils se sont faufilés dans le milieu du message. Ils sont devenus populaires. Ils ont acquis la popularité. Ils ont acquis même des richesses. Ils sont devenus même célèbres. Ils sont devenus quelque peu une référence d'une manière. Et le diable s'en parle de ses esprits. Pour jeter le discrédit sur le message. Je pèse mes mots. Si vous aimez le message biblique du temps de la fin, vous comprenez que là où nous sommes arrivés, maintenant là, ce n'est pas le temps de rigoler. Tapoter dans les dos et penser qu'il n'y a rien de grave. Le diable est dans une campagne vraiment meurtrière. J'ai suivi même l'extrait vidéo d'un abbé catholique. Écoutez ce qu'il dit. Et celui qui a fait le montage, il prend les extraits d'un soi-disant frère du message. Soi-disant. Nous devons l'appeler comme ça. Parce que nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils avec les confusionnistes. La parole du Seigneur nous distingue. Amen. Il faut comprendre que nous avons une position à défendre. Nous ne sommes pas des lâches. Soutiennent carrément que Branham est Dieu. Et il y en a même des branhamistes qui injurient Jésus et qui rejettent la Bible. Ce qu'il dit là, ce n'est pas de la farce, c'est des choses bien sûres. Il y a des individus infiltrés dans le milieu de l'étage, envoyés par le diable pour faire son travail. Et nous sommes dans le bâti, et nous sommes dans le Voilà pourquoi par la grâce de Dieu, même à cette chair ici, même si vous êtes un pasteur, on vous a reçu, on vous a donné l'occasion de prêcher. Si vous balbutiez au sujet de la Bible, nous vous écartons. On vous écarte simplement. Il y a un ciel à gagner et la soleil est victime. Nous n'avons pas besoin d'être connus méthodiquement dans l'affaire. Méthodiquement. On va étape par étape. Nous réfléchissons les stratégies du mensonge. Nous voulons la vérité originale. Car la parole parlée, la semence originale. Mes frères et sœurs, nous sommes au fond. Cet abbé maintenant parachève sa pensée en disant vous voyez le branhamiste. Où est l'antichrist dont ils nous ont parlé? Il nous avait dit que c'est le pape là-bas qui est l'antichrist. Mais non, regardez ce qu'ils sont devenus. Ils disent que Branham est Dieu. Ils injurient même Jésus. Et ils ont la Sainte Bible. Un catholique qui dit ça. Il lui a donné des bêtises pour parler de toi. Un jour, ils ont fait des messages. Ils ont fait des messages. Ils ont fait des messages. Assemblée chrétienne de Rome. Et comme ça. Mais ils ont changé parce que c'est l'Assemblée chrétienne de Rome. Ça a changé. C'est devenu maintenant. Ça a pris le nom du pasteur. C'est tabernacle. Ça ne peut finir que là-bas. Que personne, sous une apparence d'humilité, un individu, Parce qu'il parlait des personnes. Il parlait un culte des anges. Il voulait qu'il voit les anges, et les anges traitent avec lui, les apparitions mystiques et surnaturelles. Méfiez-vous de tout ça. Les menteurs en produisent autant. Ils fabriquent de n'importe quoi, même des fausses prophéties. Que personne ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Qui dit Amen? La Bible les taxe pour Dieu. Il a ses propres visions, ses propres manières de voir, ses propres conceptions. C'est un orgueilleux. Appelons le chat par son nom. Il n'a que des pensées charnelles. C'est ce qu'il appelle des fois inspiration. C'est ce qu'il appelle des fois Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Mais ce ne sont que ces pensées charnelles, pensées à la vérité. Nous devons tout ramener à la Bible. À l'autorité de la vérité. C'est elle qui nous dit qu'est-ce qui est mieux. Ce type-là, qui s'abandonne à ses propres pensées, sans s'attacher au chef. Nous les croyons, nous l'église de Dieu, un seul chef. N'est-ce pas? Sans s'attacher au chef. Et qui est ce chef? Ah, un seul chef. Une seule tête. Mais voilà quelqu'un avec l'apparence d'humilité, avec des témoignages dans ses expériences et tout ça. Mais il n'a que des pensées charnelles qui le gonflent d'orgueil. Et quand vous le présentez même la vérité, il a difficile à s'humilier. Il continue à s'approcher à des pensées qui sont contraires à la vérité. L'orgueil est satanique. Donc même si l'apparence il y a l'humilité, il faut que l'humilité soit du cœur. Et l'humilité du cœur se vérifie face à la vérité. Quelle est l'attitude, la réaction de la personne face à la vérité de l'Évangile? Cette apparence de sainteté pour ceci face à la vérité. Réagissez la vérité, voyez la réaction. Vous saurez si son humilité est du cœur ou d'apparence. Jésus-Christ a dit que je suis doux et humble de cœur. Non pas d'apparence. Il était humble de cœur. Et tous ses fidèles, tous ses disciples sont pareils. Ils auront l'humilité du cœur. Alors, cet homme sans s'attacher au chef, dont tous les corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Tout le corps est assisté par ce chef-là. Solidement assemblé par ce chef. Et les mots qu'il y a dans la Bible sont hautement inspirés de Dieu. Quand Dieu les dit, ce n'est pas un peut-être. Ce qui semble le Christ est comme cela. Je vais le présent de Christ. Malgré les impressions, les illusions que vous pouvez avoir là. On est dans l'église, il y a les chaos, il y a les présents, etc. Dieu possède sa véritable église qu'il va se présenter à lui-même. Ephésiens 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Et l'a donné pour chef suprême à l'église. Christ Jésus, il est le chef suprême de l'église. Et c'est Dieu qui l'a établi. Comprenez ça. Ephésiens 4. Verset 15 et 16. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. C'est qui? Christ, c'est lui là-bas. Il m'a mis bon goût. Kasi awa, ekolobakati sop sembo, kati na bolingo. tokokola na makambo nyonso epai na ye oyo azali mokonzi. Yena eloka mikuna ye Kristo. Le chef suprême c'est lui. Mokonzi azali kola na nyonso. C'est l'église, vous le savez. Et le chef, la tête de cette église. Mokonzi père. C'est Christ Jésus. Et c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Nanguya na ye, nzoto modiba ezali de kokola. Awa ezali yango kokangama mpe kotongama. Na bilembo nyonso bizu yango. Bizali mpe kosalaka lokola ebongi na yango mpe bongo ezali de kobilendisaka kati na bolingo. Uta na ye mokonzi. Que tout le corps qui est coordonné. Tous ces bruits, ces makelele ya wenze que vous entendez, tous ces messages, des milliers de messages, ça ne peut pas ébranler cette église. Amen. Amen. Elle doit plutôt s'affermir dans la vérité. Rejeter catégoriquement toute société. Foncer jusqu'à la victoire finale. Église combattante, prends pour à sa tête. La vérité est présente du Seigneur. Dieu veut être victorieux. Il faut que le mal éclate de façon plus fort pour que le bien surmonte cela. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Même si le mal devient abondant, même si le mal devient très populaire, même si le mal devient très affluent, toi chrétien, toi combattant de la croix, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est le mot d'ordre que Dieu a donné. Le mot veiller et résister et renverser les tendances. C'est notre devoir et victoire. Tu aimes ça? Notre devoir de victoire. Le corps de Christ forme un solide assemblage. Et le corps de Christ est bien coordonné. Nous avons une seule tête. Voyez-vous qu'ils ne sont pas dans toutes ces confusions-là. Quand un ministre célèbre commence à dire c'est moi ceci, c'est moi cela, et l'autre là-bas sort, il commence à son bruit dans son coin, et l'autre sort là-bas, il dit écoutez-moi, suivez-moi, et l'autre sort là-bas, l'église de Christ n'est pas dans ces tralala. Elle est bien coordonnée sous une seule tête, et c'est Jésus-Christ la tête. Kasi, ekeleza na kiso ya zali kati na makelelo nyoso wanate. Yangwa ya zali ndako tongo mpe, zali na lima, na sana moto, mwako, ye kiso. Souvenez-vous de la prophétie donnée par l'apôtre Paul de Antwerp? Boka nisa, lisa koni oyo, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, dans quel but? Pour entraîner les disciples après eux. Ils veulent se faire des leaders. L'objectif c'est ça. C'est de devenir leader d'un groupe, c'est des individus qui veulent devenir importants. La kisaka matayo na pokota ete ba bende ba yakoli sima na bango. Mais les disciples sont venus derrière Jésus-Christ. Kasi ba yakoli ba yakinda sima na Jésus-Christ. Pourquoi les individus veulent faire des disciples propres à eux? Pona nini batu balingi komi salaka ba yakolo ya bango moko? Et pourquoi certains frères du message? Pona nini bande kususu ba nibeli sangoy? Se glorifie d'être identifié comme disciple de Branham. Comme si Paul en son temps avait aimé avoir des disciples propres à lui Paul. Nous avons un seul maître, Jésus-Christ. Et nous nous répandons pour devenir ses disciples à lui. Vous Jésus-Christ. N'ayons pas honte d'être disciples de Jésus-Christ. Mais comme le courant branamiste. Et des divers leaders, des gens qui se sont passionnés des histoires. Pensant avoir raison, et pourtant ils sont en train de s'amener méthodiquement vers la perdition. Rejetant subtilement la vérité. Nous n'avons pas besoin d'être des disciples des individus. Nous voulons être disciples de Jésus-Christ. Que le motif biblique soit un sujet de fierté pour nous. Rappelons encore ce qui a été prêché en semaine écoulée. 2 Pierre chapitre 1, parce que c'est la prophétie qui est en vogue maintenant. L'on peut y revenir pour éveiller nos esprits. 2 Pierre 2, versets 1 à 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, des faux enseignants. Qui enseignent des choses. Non, Père Initié, c'est là-bas. Ils enseignent des procédés. Des faux docteurs. Le mot docteur veut dire enseignant. Des faux enseignants. Kasi basakoli na lokuta bazalaki kati na bato mpela moko. Balakisi na lokuta bazali kati na bino. Qui introduiront sournoisement. Voilà. Stratégiquement, voilà comment il faut introduire. Sournoisement, des sectes pernicieuses. Des regroupements religieux qui perdent petit à petit les attributs de la chrétienté. Les églises propres chrétiennes. Mais ce n'est pas vraiment brillamment là des fois. C'est par des prières, par des réflexions, par des raisonnements. Et vous vous retrouvez à un moment que les insignes chrétiens sont tous, ont tous disparu. Et qu'on commence même à avoir honte d'être après chrétien. Les rousselistes, ce que vous connaissez comme le nom des témoins de Jéhovah. Ne sont-ils pas contre la chrétienté? Ils disent carrément que la chrétienté, mais c'est ça la grande Babylone. Ils vous disent qu'ils ne sont pas des chrétiens. Eux ne sont pas des chrétiens. Jamais dans ma famille qui disent carrément. Je ne suis pas en train de calomnier. Les discours entendus, ils ne sont pas des chrétiens. Parce que la chrétienté, c'est la grande Babylone. Eux, ils sont témoins de Jéhovah. C'est-à-dire, comme Jésus, Jésus était les témoins de Jéhovah, eux aussi sont témoins au même titre que Jésus. C'est ça leur argumentaire. Donc le premier témoin de Jéhovah parmi les ici sur la terre qui est venu, c'était Jésus. Mais Israël était témoin de Jéhovah aussi. Hein? Il était témoin des paroles d'alliance pour garder jalousement la majesté du seul Dieu, du Dieu unique. Et Jésus est venu aussi comme témoin de Jéhovah. Donc, eux aussi sont des témoins de Jéhovah au même titre que Jésus. Jésus ne peut pas être Dieu. C'est un témoin de Jéhovah, un des leurs. Il est de leur congrégation. Vous voyez? Le raisonnement antichrist. Diminue Jésus-Christ. Qui lui retire l'essence divine. Il lui bénit la plénitude de la divinité. Et bien c'est une secte. Très implantée, non? Ils ont des congrégations construites dans plusieurs quartiers, plusieurs villes de la terre. Ils ne voulaient pas faire le salut au drapeau à l'époque de Mobutu ici. Ils appelaient ça la marque de la bête. Donc quand on chante la Veilloise, une des façons pour les témoins de Jéhovah de s'affirmer, c'est de bouger ça. S'il faut marcher, ils marchent. Quand on arrête, et quand on les arrête, ils disent qu'ils sont persécutés à cause du royaume de Dieu. La bongo, batongo, tango, mobutu, bazoko, matisa, mbendele. Pona potale, chete, bango, bazali, bangini, penza, ya, yoa, musala, na, bango, zale, te. Ata, balomi, batu, batele, ma, yako, tele, mate, akoleka. Tango, basoda, bango, chie, maboko. Bete, fimu, o, tozali, konyoko, mabou, bobele, pona, boko, zina, zambi. Vous voyez faire les confusions. Au moins, mobulu. Où est-ce que Dieu a interdit aux gens de ne pas chanter l'hymne national? Et si, kani, mizambe, apeki, sabate, te, le, yembo, mboko, bo, yembate. Même leur grande doctrine, la fameuse doctrine hein, de l'interdiction des transfusions sanguines. Le mot transfusion sanguine est dans quel verset biblique? Il y en a pas. Vous le voyez prendre des versets. Oh non, oh, les âmes là, mais dans les sangs. Et vous mélangez les âmes. Mais certains d'entre eux, on les a eus. Vous savez ce qu'ils font? Ils collaborent avec nous, les médecins. Oh. Ils disent quoi? Je vais m'absenter. Comme ça, même si les anciens vont venir poser les questions d'enquête, vous direz que c'est pendant mon absence que les médecins ont fait ça. Bongo, ngai. Vous êtes là, vous conscientisez, papa, maman, ce que vous faites là, l'enfant va mourir. Regardez, à cet instant, l'unique traitement moderne, c'est la transfusion. Le niveau de son sang a atteint, on ne peut rien faire d'autre. Il n'y a pas moyen de faire. Non. Après ce moment, je me rendrai coupable. Par rapport aux normes de la science médicale. On ne peut pas me pardonner une personne intentionnelle. Les traitements modernes, à ce niveau, il y a comme... S'il vous plaît, docteur, moi je rentre d'abord à la maison. Et maintenant vous êtes face à une réalité. L'enfant est revenu. Moi, la zone. Vous voyez ça? Au moins, après, moi, la béquille. Merci, docteur. Que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Chers amis, on ne marche pas contre les convictions des gens. Hein? Mais il faut sauver des vies humaines. Ah oui? Il faut sauver des vies humaines. Oui. Il ne faut pas en vouloir des fois aux médecins. Les réalités qu'on raconte sont des fois très sensibles. Ces gens ici viennent avec des sectes. Qu'ils sont promis sournoisement. Ces sectes pernicieuses. Et qui régnaient le maître qui les a rachetés. Attirant sur eux une ruine soudaine. Quelqu'un est allé mettre dans son statut. Avec le débat qui court ici, et même Branham plus que Jésus. Toutes ces confusions-là, quelqu'un allait mettre dans son statut, les croyants du message héritent le ciel en aimant Branham. Vous voyez? Pourquoi il tient à défendre une chose qui saute que c'est faux? Mais prenez le courage de dire que c'est faux, on devient incapable à cause de facilité, à cause de ceci, à cause de cela, si nous disons ceci, alors tout l'édifice va s'écrouler. Vous avez construit sur du sable. Le mal reste mal, il faut le condamner. Maintenant, on doit se mettre à défendre l'indéfendable. Le point du message, héritons le ciel en aimant Branham. Donnez-moi un verset biblique qui enseigne. Que rien que par l'amour de Branham, vous avez fait. Il n'y en a pas. Mais pourquoi ils défendent ça? Ils vont chercher une situation quelque part qu'ils vont pervertir. C'est toujours la malice religieuse. Nous avons besoin de la parole éternelle. Nous avons besoin de la parole éternelle. Branham m'a dit que si ceux de Paul entreront, les miens aussi entreront. sœurs de Paul vont entrer sur les bases de quoi? De l'amour de Paul? Non. Et Paul a enseigné des bêtises comme ça? Quand vous m'aimez, vous avez la garantie du ciel. Non. Vous avez pris un homme à l'obanaïe. Soit qui va tout à Paolo, ou Paolo a teyaki, ma cocotte à l'eau là. Bah, on a peine à teyaki, ma cocotte à l'eau là. N'a bon mot, bah, tu as Paolo à teyaki. Paolo a teyaki, bah, moi, il faut mourir. Et c'est ce que vous n'y a pas, le magasin de ma cocotte. Toi, à teyaki, bah, moi, le bon enfant. Il y a quelqu'un qui, j'ai entendu un pasteur même une fois. Mais écoute, mon bâtiment, il dit, oh non, voyez, c'est vraiment mal, il ne pas parler du mal de ses enfants. Que si vous l'aimez, lui, il ne faut pas que ce soit ses enfants. Donc, Ne mélangez pas de choses. Il faut examiner tout. Parce que le diable ne vous laissera pas tranquille. Vous le gagnez d'un côté, il viendra de l'autre. Régnez le même qu'il fera chuter. Attirons souvent une ruine soudaine. Comme leur objectif, c'est d'avoir des disciples, des gens derrière eux. Plusieurs le suivront dans leur dérèglement. Et nous voyons ça se passer. Plusieurs le suivront dans leur dérèglement. Et pourtant dans l'église de Dieu, ils ne vont pas naître ici. Mais on ne doit pas former un club de fanatiques. Et quand le mal commence à entrer, on laisse faire toujours. L'enfant de Dieu est très dangereux. Ne perdons pas les ennemis secrets. Pardonnons aussi le discernement. Je vais vous le comprendre dans un moment ici. Nous y le suivrons dans l'ordre de règlement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est ce que nous vivons. Maintenant même les catholiques commencent à nous critiquer. Avec raison. Parce qu'il y a des infiltrés dans le milieu du monde. Qui se sont fait bonne santé de réputation, de renommée. Le message ira d'avant et l'église épouse sera rendue parfaite. Et le bien coordonné dirigé par Christ la tête, elle arrivera à l'enlèvement. Qui dit amen? Moi j'aime la vérité. Toi aussi tu dois aimer la vérité. Êtes-vous là? Je vais lire un post Vanam ici. Comme nous aimons. Nous aimons ça. Dans les sermons l'imitation du christianisme. Non. Oui. Prêché le 27 janvier 1957. Les paragraphes 18. Eh bien. Mais si le dessein de Dieu pour nous était que son église soit dirigée par les dénominationnels ou des credos, alors tout ce qu'il nous faut, c'est l'intelligence de l'homme. Le dessein de Dieu dont la Bible a parlé ici, si c'était que nous serions dirigés par les dénominationnels ou par les créateurs d'hommes, dans ce cas-là, celle qui sera encore plus intelligente, on ira on passe le bâton pour conduire l'église. Mais telle n'est pas la volonté du cœur de Dieu. Il ne veut pas que le credo dirige. Il ne veut pas non plus que les dénominationnels nous dirigent. Dieu ne veut pas que les dénominationnels te dirigent dans son nom. Ne te laisse pas conduire par un dénominationnel. Frères, sœurs, tous les fidèles, nous ne voulons que la conduite de Christ seul. Les dénominationnels n'ont rien à nous dire. Celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tes oreilles à toi doivent écouter le Saint-Esprit. Que ceci te lave. Quand les dénominations parlent, tu trembles. Oh non, c'est grâce à eux que moi j'existe. Nous existons par Dieu. La Bible dit que la respiration, le mouvement et l'existence, c'est Dieu qui nous les donne. À nous tous. Pas les individus. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que nous serons dirigés par les dénominations. Voyez comme ces types-là, l'évêque, je ne sais pas de Gatao Kombe, qui est venu là-bas dire, voilà les successeurs de William Branham. Dénominationnel, qu'est-ce qu'il a à dire vraiment aux frères de message? Et le soi-disant frère aussi qui était là, il faut amener des sorciers. Vous allez former une assemblée de sorciers pour finir en affaire. Nous devons aimer la vérité. Amen. Et c'est un peu comme ça que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Et on lui donne le micro. Indéminationnel. Bien-aimé. Une telle chose, ce sont des sacrilèges. Gardez l'église propre. Vous aurez l'impression que je tire sur des gens, mais je ne tire pas sur des gens, je tire sur le mal. Amen. Le mal reste le mal, quel que soit là où on l'a fait. Donc comment est-ce que nous allons faire pour le Le péché irritera quiconque. Amen. Voilà pourquoi même quand vous construisez, Frère Branham vous a dit, attention, ne mettez pas toutes vos espérances là-dedans, parce que si vous le faites comme ça, vous recevez la marque de la bête sans le savoir. Donc, il y a une assemblée qui a souffert pendant des années. Ils ont un beau tabernacle quelque part. Quand on va se dire, pasteur, à quoi il se trouve dans le adultère? À quoi il n'a pas fait une confession? Ayez toujours les deux pieds dans la vérité. Ne tombez jamais dans le triomphalisme. Oh, tu vois, il passe mingi. Et comment on a mis à boire? Tu vois, il fait glisser à boire. Et comment marche de la bosse? Nous demeurons au front. Nous allons donner le pouvoir. Nous sommes aussi les sabons aux ambas des poules à un niveau du sort. Et côté à la tombe. C'est pas le tabernacle éternel. Ça restera ici. Et côté à la. C'est ça, non? Vous allez bien vous. C'est ça, non? Vous allez bien vous. Oh, yo, oh, d'où on a passé le diable. Moi, je connais pas si, là. Maintenant, je t'aime dans la église, en gros. Donc, yo, wana. On continue. Tolongi! Hé, frère, fais ça. Tolongi, vraiment. Oh, il est long à faire. Frère. Vous recevez la marque de la bête sans les savoir. Voilà là où le diable piège et attrape les esprits. Vous pensez que vous avez atteint votre objectif? Le combat est terminé. Non. Loin de là. Soyez debout, résistez toujours. Défendez toujours ce qui est juste. Amen. Les autres églises sont tombées à cause de ça. C'est fréquent dans les minutes du message. Le diable toujours derrière. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à demeurer dans la vérité. Et ne pas glisser dans des sentiments faux. À cause d'un excès de joie, d'émotion. Vous voyez tout ça? C'est de face à l'émotion. Quand on regarde le bâtiment, on est émerveillé. Une telle construction. Ah, quelle réalisation vraiment. C'est bon. C'est en or, c'est en ivoire, c'est en marbre, c'est de la beauté splendide. Mais quand on est venu faire remarquer à Jésus la construction du temple de Jérusalem, quelle a été sa réponse? Que Dieu bénisse tous ceux qui ont souffert pour construire. Il savait qu'il était pris en vie. Il pouvait plus les venir après la mort. Mais il a dit, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Nous ne sommes pas capables. Ah oui, Dieu a son programme. Comprenez que le royaume de Dieu est plus important que tout. Et la vérité du Seigneur doit garder nos cœurs en Jésus-Christ. Voyez, si le destin de Dieu pour nous était que son église soit dirigée par le dénominationnel ou par des tribaux, alors tout ce qu'il nous faut, c'est l'intelligence de l'homme. Plus intelligent est l'homme, meilleure sera l'église. Mais ce n'était pas ça le programme de Dieu. C'est le programme de Dieu, c'est que le Saint-Esprit dirige l'église. Ça, c'est le secret de son cœur que Dieu vous fait connaître. Amen. Les programmes de Dieu, donc le Saint-Esprit dirige l'Église. Pouvons-nous lire un verset en ce sens? La parole de vérité ici. Dans Jean, il dit ceci. Jean, au chapitre 16. Le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Nde ekoya molimo na solo, akokamba bino kati na solo nyonso, mpo ete, akososolo akampo na ye mokote kasi, akososolo laka, nyonso ekoyoka kayempe, akosakwela kabino makambo makoya. Ok? Le programme de Dieu, c'est que le Saint-Esprit dirige l'Église. Romains chapitre 8, il est écrit ceci au verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit, être dirigé. Il n'y a pas de conducteur ici, c'est un seul, le Saint. La Bible le dit, deux, c'est un témoignage. Qu'il en soit ici. Le programme de Dieu, c'est que le Saint-Esprit dirige l'Église. Le Saint-Esprit a été donné pour l'Église. Et nous ne pouvons pas avoir deux têtes en train de diriger l'Église au même moment. Nous ne pouvons pas parce que Dieu a vu des personnes pour son Église. C'est son programme pour son Église, c'est le Saint-Esprit. Et que Christ est son Saint-Esprit. Alors, il est l'unique chef suprême. Il est le chef de l'Église. Que cela soit connu dans tous les âges. Et que ce soit connu en tous lieux. C'est le Saint-Esprit. Qui est Christ? Mais oui. Ce n'est pas deux personnes différentes, hein? Vous avez un de confusion. Ce n'est pas deux personnes. Il dit ceci. Dans Jean chapitre 14. Verset 18 et 19. Je ne vous laisserai pas orphelin. Oh, ben, je peux même remonter pour que vous voyez bien la pensée. Reprenons au verset 16 jusqu'à 20. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Mm-hmm. Amen. Allez-y. J'aime la commande de la tata. Je vais vous dire que vous êtes avant de vous libérer. Je vais vous dire que vous êtes là. Que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Cet esprit-là invisible pour le monde, inconnu pour le monde, mais vous, les disciples de Jésus-Christ, vous ces fidèles, vous ces croyants, mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Le même qui demeure est le même qui sera encore dedans. Je ne vous laisserai pas orphelin. Pronom personnel. Je viendrai à vous. Ça montre que celui qui allait venir là et qui est promis, c'était celui qui était avec eux. Et comment lui parler? La même personne. Jésus-Christ est son. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Si maratam mote, bamo kini bakomonangali susute, ne bino, vous allez ne komonangali poete, ngai nazali. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, et que vous êtes à moi, et que je suis en vous. Vous connaîtrez que celui qui est en vous, c'est la même personne qui avait vécu autrefois parmi nous.